Mes amis, je vous fais confiance et je vous aime. Mais ce monde est si dur, j'ai besoin d'oxygène. Malgré votre amour, ma famille, ma rancœur, j'ai envie de partir, trouver la mystérieuse, trouver la mystérieuse. Prends mon cœur, je n'en ai plus besoin. Il est trop lourd et il me brûle. Jette-le à la mer pour qu'un poisson le mange. Je veux partir vers les étoiles. Est-elle? Je n'en sais rien. Je recherche son regard qui traversera mon destin. Je n'aurai rien à dire. Qu'apprécier le bonheur, j'ai envie de partir, trouver la mystérieuse, trouver la mystérieuse. Prends mon cœur, je n'en ai plus besoin. Il est trop lourd et il me brûle. Jette-le à la mer pour qu'un poisson le mange. Je veux partir vers les étoiles. Il est trop lourd. Jette-le à la mer pour qu'un poisson le mange. Je veux partir vers les étoiles.